toute la Corée assiste le rétablissement des régions sinistrées de la province du Hamgyong du Nord. Le complexe de ciment de Suncheon, qui a dépassé à 119% le plan de production de septembre, a envoyé des milliers de tonnes de ciment de plus en sud de plomb, alors que la fabrique de pompes d'Anju dépasse tous les jours à plus de 200% le plan de production. Les ministères et établissements centraux, notamment le ministère de l'Industrie légère et le parquet central, des organismes des forces armées, les unités de tout échelon de l'armée populaire de Corée et des familles des militaires ont envoyé aux sinistrés beaucoup de matériel de secours, comme des articles de première nécessité de toutes sortes, des vivres et des produits alimentaires de base. Par ailleurs, les hommes sanitaires de la capitale et de la province du Hamgyong du Nord expédiés aux régions sinistrées soignent les habitants.